Voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. L'impensable procès. Le 13 juillet 1977, soit à peine plus d'un an après la mort d'Anne-Lise, des accusations sont officiellement déposées à l'encontre des deux exorcistes et des parents de la victime. Quatre personnes poursuivies pour ce que la justice des hommes appelle non-assistance à personne en danger, car l'opinion générale semble avoir été davantage favorable à l'option médicale, scientifique, qu'à l'hypothèse théologique. Le ministère public avait initialement envisagé d'inquiéter également l'évêque Joseph Stangl et le jésuite Adolf Rodewijk, tous deux ayant contribué à accréditer l'hypothèse de la possession démoniaque, mais la poursuite renoncera à impliquer ces deux hommes dans les procédures. Le tribunal est composé comme suit, trois juges, dont un président, Elmar Bolender, et deux assistants, Fritsch et von Tetau. Le ministère public est représenté par les avocats Stenger et Wagner. Les jurés, dont le nombre est curieusement limité à deux, s'appellent Erich Bäumler, un ingénieur de Alzenau-Albstadt, et Josef Becker, un tailleur de Schmartenberg. La défense des prêtres est confiée aux avocats Thora et Lipinski. On estime à l'époque que 50 millions d'Allemands suivent de près les développements de l'affaire que certains comparent à un Armageddon inversé. En plein XXe siècle, le pays le plus industrialisé d'Europe va devoir entendre parler du diable dans ses palais de justice, dans ses médias, jusque dans ses rues et ses tavernes. Lors de l'audience finale du vendredi 21 avril 1978, le juge Bolender déclare « Anne-Lise Michel n'était pas possédée, elle souffrait de maladies mentales depuis le 1er mai 1976. » Rien de surprenant, car si 19 témoins ont été appelés à la barre, dont 6 médecins et 5 prêtres catholiques, les déclarations des neurologues et des psychiatres l'ont clairement emporté sur les arguments bibliques. L'anthropologue Felicitas Goodman, dans le livre qu'elle a consacré à Anne-Lise Michel en 2005, regrette d'ailleurs que les psychiatres appelés à éclairer le tribunal aient tous été des cliniciens, aucun n'ayant été reconnu spécialiste en psychiatrie transculturelle. Le verdict de la cour n'est donc pas surprenant. Josef Michel, Anna Fürg, Anton Ernst Alt et Arnold Renz sont tous les quatre reconnus coupables de négligence criminelle ayant entraîné la mort et condamnés à une peine de prison ferme de 6 mois, commuée de suite en une peine de 3 ans avec sursis. Le jugement entérine ainsi la primauté des hommes en blanc sur les hommes en noir. Mais, en fin de compte, les uns comme les autres en sortent rassurés. Les médecins, car leur science assoit une fois encore sa crédibilité auprès des institutions. Les prêtres, car l'enseignement catholique sur l'existence du diable n'a pas même été égratigné. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme » d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.